السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Sachez que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, il y a Al-Jamil. Il y a Al-Jamil. Il a donc parmi ses attributs al-jamal, la beauté. Wa huwa ismun thabitun fi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ce nom-là a été affirmé dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc Al-Jamil, celui qui a la beauté parfaite. C'est un nom affirmé dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dans le hadith du célèbre compagnon, un grand savant du Coran, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: nul, ou plutôt personne, n'entrera pas au paradis, celui qui a dans son cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil, n'entrera pas au paradis. Celui qui a dans son cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil. Un homme s'exclama: mais certes l'homme aime avoir de beaux vêtements et de belles sandales. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: certes Allah est Jamil, certes Allah est beau et aime la beauté. Certes Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil consiste à rejeter la vérité et à mépriser les gens. L'orgueil consiste à rejeter la vérité et à dénigrer les gens. فهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسمائه وصفاته وفي ذاته وأفعاله. Ainsi, ce noble nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jamil, nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la beauté absolue, exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures. Il a la beauté dans ses noms, la beauté dans ses attributs, la beauté dans son essence, la beauté dans ses actions. Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Le grand savant Muhammad Ibn Abi Bakr, connu sous l'appellation d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, nous dit que la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans quatre choses. Se trouve dans quatre choses. On peut en parler de quatre points de vue. Premièrement, jamalu dhat, la beauté d'essence. Allah azza wa jal est beau de par son essence ou dans son essence. Deuxièmement, wa jamalu sifat, la beauté de ses attributs. Troisièmement, jamal ul afal, la beauté de ses actions, la beauté de ses actes. Et quatrièmement, wa jamalul asma, la beauté des noms, la beauté des noms. Fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahma wa amma jamalul dhat wa ma huwa alayhi fa amrun la yudrikuhu siwa wa la ya'lamuhu ghayruh wa laysa 'inda al-makhluqina minhu illa ta'rifat ta'arrafa biha ila man akramahu min 'ibadi فإن ذلك الجمال مصون من الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري رواه أحمد رحمه الله تعالى وغيره. ابن القيم رحمه الله Ta'ala poursuit et nous dit « Ainsi, l'ensemble de ces noms sont beaux, sublimes et magnifiques. L'ensemble de ces attributs sont des attributs parfaits, sont des attributs de perfection. L'ensemble de ces actions, de ces actes sont parfaits. Tous ces actes sont sagesse, sont bénéfiques, sont équité, justice, pitié, miséricorde. Quant à la beauté de son essence, c'est une chose que nul ne peut embrasser de sa science si ce n'est lui. Nul ne peut atteindre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne connaît en dehors de lui tabaraka wa ta'ala. Quant aux créatures, elles n'ont de connaissance à ce sujet que ce qu'Allah azza wa jal a voulu leur faire connaître, et ça n'est pas toutes les créatures, mais seulement ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu honorer de par ce savoir. Car certes, la beauté de son essence a été préservée des gens, voilée par le manteau et le pagne, comme le rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rapportant la parole d'Allah, Al-Kibriya uridai wal-azamatu izari. Al-Kibriya est, ou la fierté est mon manteau et la magnificence est mon pagne. Puis, on nous dit, Fama vannuka بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوث العظمة والجلال. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et nous dit: quelle beauté peux-tu soupçonner ou peux-tu imaginer lorsqu'il s'agit d'une beauté, ou dès lors qu'il s'agit d'une beauté, qui a été voile, entre toi et elle, il y a un voile. Et ce voile-là comprend des attributs de perfection. Que dire d'une beauté qui t'a été voilée, couverte, par des attributs de perfection ? Par un descriptif parfait, par un voile d'attributs, de grandeur, de magnificence, de majesté et de sublimité. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته. Dès lors, on peut comprendre certains sens de la beauté de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَرَقَّى فِي مَعْرِفَةِ الْأَفْعَالِ إِلَى مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ وَمِنْ مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ إِلَى مَعْرِفَةِ الذَّاتِ فَإِذَا شَاهَدَ شَيْئًا مِنْ جَمَالِ الْأَفْعَالِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَمَالِ الصِّفَاتِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِجَمَالِ الصِّفَاتِ عَلَى جَمَالِ الذَّاتِ ومن هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب ومنها هنا أو بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب، وهو سبحانه كما يحب ذاته، يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب. وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكره أو يكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي avec ces sens mentionnés, on arrive à comprendre une partie seulement des sens de la beauté de l'essence d'Allah. Ainsi, le serviteur peut s'élever d'une connaissance et atteindre une autre connaissance, puis à partir de cette seconde connaissance, atteindre une troisième connaissance, et ainsi de suite. Ainsi, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, avec la connaissance, en ayant connaissance des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela t'aidera à atteindre une connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec une connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu pourras atteindre une connaissance des, yani avoir une partie de la connaissance de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit bien évidemment ici non pas du comment d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, mais tu vas pouvoir déduire une partie des sens de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ici est le sujet. Ainsi, la personne qui aura connaissance de cette beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plus précisément, plus justement dit, une partie seulement de la beauté des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra avec cela déduire de la beauté, arrivez-vous à quel résultat ? La beauté des attributs d'Allah. Pour arriver ensuite à quel résultat ? Que Allah, de par son essence, est beau, subhanahu wa ta'ala, il a la beauté de l'essence. Ainsi nous apparaîtra qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à lui appartient la louange dans son entièreté. À lui appartient la louange dans son entièreté. Le descriptif de perfection qui est mentionné avec amour et vénération n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul parmi les créatures d'Allah n'est en mesure, n'est en capacité de faire ses éloges comme il le mérite. Il est plutôt comme il s'est décrit lui-même, comme il s'est fait lui-même ses éloges. Nul ne mérite d'être adoré pour lui-même. Nul ne mérite d'être adoré pour lui-même. ne mérite reconnaissance pour lui-même, pour ce qu'il est en soi. Nul ne mérite d'être aimé pour lui-même, d'être remercié pour lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala s'aime. Il s'aime. Il s'est fait ses propres éloges. Il s'est loué lui-même. Lui-même a mentionné son unicité et l'a proclamé pour lui-même. Et la réalité, de la louange, des éloges, de l'amour et du monothéisme se trouve en réalité, ou plutôt la réalité de tout cela, tout comme Allah Azza wa Jalla a fait ses propres éloges, au-dessus de ce qu'on fait comme éloge à son sujet, ses créatures, tout comme Allah Azza wa Jalla, yani il s'aime de par son essence, il aime ses attributs et ses actions. Les créatures que nous sommes, nous nous devons d'aimer Allah Azza wa Jal. Nous nous devons d'aimer ses attributs. Nous nous devons d'aimer ses actions. Nous devons de l'aimer pour sa beauté et pour ses dons, comme nous le mentionnera Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala par la suite. Je reprends. Allah s'aime. Il fait ses propres éloges, ses propres louanges. L'amour d'Allah pour lui-même, les louanges et les éloges qu'il s'adresse et son unicité qu'il proclame représentent en réalité la louange, l'éloge, l'amour et l'unicité même. Par conséquent, le Seigneur est tel qu'il s'est décrit lui-même, est tel qu'il a fait sa propre louange et ses propres éloges. Il est même au-dessus des éloges que lui font ses créatures. Tout comme il aime son essence, il aime ses attributs et ses actes. Tous ses actes sont bons, aimables. Même s'il se peut qu'Allah Azza wa Jal déteste certaines de ses créatures, yani de par ce qu'ils feront comme mauvaises choses. Mais il n'y a pas dans l'acte d'Allah de choses qui est détestable. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est bien, et c'est beau, et c'est louable. Même s'il se peut que dans certaines de ces créatures et dans la conséquence de leurs actions, on y trouve une chose qui est détestable. Mais le mal n'est pas dans l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal n'est pas dans l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et nous dit: dans l'univers, rien ne mérite d'être aimé et loué pour lui-même. Seul Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite cela. Seul Allah mérite cela. Et tout ce qu'on aime en dehors d'Allah doit être subordonné à son amour. Dans le sens où on doit aimer pour Allah. On doit aimer pour Allah. Il nous dit donc: wa kullu ma yuhab siwa fa in kanat mahabbatu tabi'atan li mahabbati subhanahu bi haythu yuhabbu li ajli fa mahabbatuhu sahiha wa illa fa hiya mahabbatun batila wa hadha huwa al haqiqatu al ilahiyya. وهذا هو حقيقة الإلهية فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته فكيف إذا ضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا جميعا. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي tout ce qui est aimé en dehors d'Allah, tout ce qui est aimé en dehors d'Allah, si l'amour qu'on porte à cette chose est un amour qui suit et qui découle de l'amour d'Allah, c'est-à-dire qu'on l'aime pour Allah, alors c'est un amour authentique. Alors c'est un amour valable. Sinon, c'est un amour qui est faux et caduque. Sinon, c'est un amour qui est faux et qui est caduque. Et ceci est la réalité de la divinité d'Allah. Car celui qui est la divinité véritable, c'est celui qu'on aime et qu'on loue pour lui-même. C'est celui qu'on aime et qu'on loue pour lui-même. Et seul Allah, cela appartient uniquement à Allah. Que dire alors? Si on vient ajouter, si on vient ajouter à cet amour, que dire alors si on vient ajouter à cet amour la bienfaisance d'Allah, les dons d'Allah, les grâces d'Allah, la mansuétude d'Allah, le fait qu'il passe sur nos fautes et les absout? Que dire alors si on ajoute également sa clémence, sa bonté, sa pitié, sa miséricorde? Il incombe aux serviteurs de savoir que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Ainsi, il l'aime, il le loue, pour lui-même, pour ce qu'est Allah, pour sa perfection. Il doit également savoir qu'il n'y a pas de bienfaiteur à la perfection par la donation de ses bienfaits de manière apparente et cachée, si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah. Il n'y a pas de véritable bienfaiteur si ce n'est Allah. C'est lui qui accorde toutes sortes de bienfaits, tant apparents que cachés. Quel est donc notre devoir à nous, les serviteurs? Quel est donc notre devoir à nous, les serviteurs? On doit l'aimer pour ses dons, pour sa bienfaisance. Et on doit également l'aimer pour sa perfection. Ainsi, on l'aime pour ces deux facteurs, de ces deux points de vue, de ces deux aspects. De ces deux aspects. On aime Allah Azza wa Jal parce qu'il est parfait. On aime Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, ses donations. وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ فَلَيْسَ كَمَحَبَّتِي مَحَبَّةً وَالْمَحَبَّةُ فَلَيْسَ كَمَحَبَّةِ مَحَبَّةٌ مَحَبَّةٌ وَالْمَحَبَّةُ مَعَ الْخُضُوعِ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لِأَجْلِهَا فَإِنَّ غَايَةُ الْحُبِّ بِغَايَةِ الذُّلِّ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ وَالْإِشْرَاكُ بِهِ فِي هَذَا وَالشِّرْكُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَلَا يَقْبَلُ لِصَاحِبِهِ عَمَلًا. انتهى من الفوائد، انتهى كلامه من الفوائد رحمه الله. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي tout comme rien ne lui est identique, il n'y a pas d'amour qui soit identique à son amour. N'est-ce pas que rien n'est identique à Allah? rien ne ressemble à Allah en tout point, dans l'ensemble des attributs. De la même manière, nous disons qu'il n'y a pas d'amour qui est identique à son amour. L'amour que nous portons à Allah, il n'y a pas un amour qui lui soit identique. Cet amour, à cet amour, nous mêlons l'humiliation et le rabaissement. Un rabaissement volontaire pour notre Seigneur et notre Maître. Une humiliation volontaire devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, des cieux et de la terre. وَهِيَ الْعُبُودِيَّ Et c'est ça la servitude pour laquelle Allah a créé l'ensemble des créatures. On doit aimer Allah et s'humilier à lui. Et cela est l'essence même de la servitude pour laquelle Allah a créé les créatures. Qu'est-ce que cette servitude, cette adoration? C'est le summum de l'amour que nous lui portons, additionné à la perfection de l'humiliation face à lui. Cette chose ne doit être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne la mérite si ce n'est lui. Et celui qui viendrait à l'attribuer à un autre aurait commis le pire péché, le polythéisme. Ce péché qu'Allah ne pardonne pas et avec lequel il n'accepte aucune œuvre. Aucune œuvre. Allah nous dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Ibn al-Qayyim nous dit également dans le livre « Al-Jawab al-Kafi » ou bien « Dawa al-Dawa rahimahullah » والمحبة لها داعيان الجمال والإجلال ورب تعالى هو الكمال المطلق من ذلك فإنه جمال فإنه عفوا جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجلال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. Les causes de l'amour, les facteurs de motivation sont au nombre de deux. Ces facteurs de motivation sont au nombre de deux. La beauté et la sublimité. On peut traduire aussi par la magnificence ou la majesté. Ce qui nous pousse à aimer sont ces deux facteurs. La beauté et la sublimité, la magnificence. Et le Seigneur, élevé soit-il, a la perfection absolue de cela. Il est certes beau et aime la beauté. Nous disons, ou plutôt, à lui appartient la beauté tout entière. À lui appartient la sublimité tout entière et la magnificence. Et de lui provient la beauté. Et de lui provient la beauté et la sublimité. Donc, nul ne mérite d'être aimé pour lui-même de tout point de vue, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Al-Fawa'id, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, dans le sens, فَإِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالْجَمَالِ مِنْ أَعَزِّ أَنْوَعِ الْمَعْرِفَةِ وَأَعْظَمِهَا شَأْنًا فَإِنَّ أَتَمَّ النَّاسِ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ سُبْحَانَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, certes, la connaissance d'Allah à travers sa beauté fait partie des formes les plus importantes et les plus fortes de connaissance. connaître Allah à travers sa beauté. Et une des formes les plus importantes, et une des formes les plus importantes de connaissance. Car certes, le serviteur le plus complet, le serviteur le plus parfait, est celui qui connaîtra au mieux Allah de par sa perfection, de par sa sublimité, sa magnificence et sa beauté. Et qui aura connaissance que nul n'est identique à Allah. Et cela est valable pour l'ensemble ou dans l'ensemble de ses attributs. Puis Ibn al-Qayyim nous dit une parole. J'espère qu'elle sera entendue, comprise, notée, propagée. Rahimahullah ta'ala. Walau faradta al-khalqa kullahum ala ajmalihim suratan. وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. الله أكبر. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous mentionne une parole magnifique rahimahullah ta'ala. Il nous dit: si tu imagines la création entière sur la plus belle des apparences, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal sous la plus belle apparence, et par la suite, tu émettrais une comparaison entre la beauté de cette chose que tu as imaginée, donc l'ensemble des créatures d'Allah sous la plus belle apparence, comparé à la beauté du Seigneur. Je répète, si tu essayais de comparer toutes les créatures sous la plus belle apparence, en prenant leur beauté interne et externe, à la beauté du Seigneur, exempt soit-il de toute similitude avec ses créatures et de tout défaut, elle serait, cette image la plus parfaite que tu as réussi à imaginer pour les créatures, elle serait plus insignifiante que le rapport existant entre une faible lampe et le disque solaire. Allahu Akbar. Tu prends toutes les créatures et tu les imagines sous la beauté la plus complète, la plus parfaite, sur l'image la plus belle. Et cela de manière intérieure et extérieure. Et tu essaies de comparer cela à la beauté du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La différence sera encore plus grande qu'il y a entre une faible lampe et le disque solaire. Une faible lampe et le soleil lui-même. Le soleil lui-même, le disque solaire. L'auteur nous dit: ويكفي في جماله سبحانه وأفضل سلا ويكفي في جماله il nous suffit pour comprendre de la grande beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grande beauté subhanahu wa ta'ala, que s'il ôtait le voile de sa noble face la lumière. Naam. Qui s'en dégagerait aurait brûlé tout ce que sa vue aurait atteint. La magnificence, la beauté, la lumière aurait brûlé tout ce qu'il aurait atteint avec son regard. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. Et cela est pris du hadith qu'on mentionnera, Inch'Allah ta'ala, hijab ou nour. Son voile est de lumière. S'il l'ôtait, la magnificence de son visage aurait brûlé tout ce que sa vue aurait atteint. Tout ce que sa vue aurait atteint. Puis l'auteur, puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته. Il te suffit, concernant la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que toute beauté interne ou externe, ou extérieur et intérieur, dans ce bas monde et dans l'au-delà, n'est qu'un effet de l'œuvre d'Allah. N'est qu'un effet de son œuvre. فَمَا ظَنُّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْجَمَالِ. Que dire alors, que penser alors, quelle opinion, naam, c'est le mot que je cherchais, quelle opinion devrons-nous donc avoir de celui dont émane cette beauté? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné la beauté à tout ce que tu considères comme étant beau. Toute beauté que tu vois, que tu peux imaginer dans ce bas monde ou l'au-delà, qui est-ce qu'il a créé, qui est-ce qu'il a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle opinion alors on devra avoir concernant cette beauté, concernant la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sans aucun doute, la plus parfaite, la plus complète, on ne peut le décrire comme il le mérite. Il est, comme il a dit de lui-même subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ce nom d'Allah, Al-Jamil. Il nous dit ensuite, rahimahullah, ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله. L'auteur حفظه الله رحمه الله تعالى nous dit, ou Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit, et il te suffit, ou bien il suffit, concernant la beauté d'Allah, concernant la beauté d'Allah, qu'à lui appartient la puissance tout entière, la force tout entière, la générosité tout entière, la bienfaisance tout entière, la science tout entière, la grâce tout entière. Walinuri wajhi. Ashraqatid dhulumat. Et de par la lumière de son visage, les ténèbres ont rayonné et resplendissent. Fahuwa subhanahu nuru samawati wal ard. Il est, exempt soit-il, la lumière des cieux et de la terre. Wa yawm al-qiyama, idha ja'a li fasl al-qada'i, tashruqu al-ard bi nuri. Et le jour de la résurrection, lorsqu'il viendra pour le jugement et pour trancher entre les gens, la terre sera illuminée et resplendira de par sa lumière. Inta kalamuhu min al-fawaid, rahimahullah. Puis l'auteur nous dit, وقوله إن الله جميل يحب الجمال. Certes, Allah est beau, il aime la beauté. يشتمل على أصلين عظيمين. Cette parole-là dans le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, certes Allah est beau, il aime la beauté, comprend deux grandes bases essentielles. فأوله معرفة معرفة وآخره سلوك. La première chose, c'est une connaissance. Et la seconde, c'est un chemin emprunté. فيعرف الله أولا بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء ويعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأفعال والأخلاق. Retenez cela et notez-le. Barakallahu fikum. Il y a deux points ici. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, la mise en pratique. Le chemin emprunté. Tout d'abord, tu dois connaître Allah de par la beauté. Cette beauté qu'il a, et nul ne lui est identique dans celle-ci. Nul ne lui est identique dans celle-ci. Avec cette connaissance, vient la seconde chose, l'agissement, la mise en pratique, le fait d'emprunter le chemin. Donc, il adore Allah par les belles choses, avec les belles choses qu'Allah a aimées. Quelles sont ces choses-là? Les belles paroles, les belles actions et les bons caractères et les bons comportements. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يُجَمِّلَ لِسَانَهُ بِصِدْقِ وَقَلْبَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَجَوَارِحَهُ بِالطَّاعَةِ وَبَدَنَهُ بِإِظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْهِ فِي لِسَانِهِ وَتَطْهِيرَهُ لَهُ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَوْسَاخِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur qu'il embellisse sa langue avec la véracité, par la véracité, en disant toujours la vérité, en étant véridique. Allah aime de son serviteur qu'il embellisse son cœur avec la sincérité, avec l'amour qu'il porte à Allah, avec le retour vers Allah en délaissant les péchés en accourant vers lui, en plaçant sa confiance en Allah et en comptant pleinement sur lui, en ayant pleinement confiance quant à l'obtention de la chose recherchée auprès d'Allah, ou la préservation contre le mal redouté, et tout cela auprès d'Allah. Allah aime de son serviteur qu'il embellisse ses membres de par l'obéissance d'Allah, son corps par le reflet et la manifestation des bienfaits qu'Allah lui a accordés. C'est-à-dire qu'Allah lui a donné des moyens, de l'argent, alors il va avoir de beaux vêtements, alors il va dépenser généreusement. Allah aime voir son serviteur embellir sa langue en la purifiant, et Allah aime également qu'on purifie ces choses-là, des saletés, des souillures. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime également que le serviteur préserve son corps, son apparence, sa personne. Par exemple, avec al-khitan, wa taqlim, al-adhafir, ila ghayri dhalik. Avec la circoncision, le fait d'être propre, le fait de circoncire, le fait de se couper les ongles, et d'autres choses comme arracher les poils des aisselles ou s'épiler, comme porter yani jamal al-thiyab, le fait de s'embellir à travers la tenue, les vêtements portés. Na'am, comme ça a été mentionné dans le hadith, Allah azza wa jal aime donc la beauté de manière générale. Allah azza wa jal aime donc la beauté de manière général, donc dans toute chose. Dans toute chose. Et dans le hadith de Abu al-Ahwas, selon son père, كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. الإمام الترمذي أحمد أدخ نمانسيون حديث رحمهم الله. Un homme était assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous raconte et dit « Il m'a vu sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements très modestes. » On peut, dans l'explication, on trouve que ça peut être des vêtements où il y a de la saleté, donc pas très propres. Ils peuvent également être usés ou déchirés. Il m'a donc dit, est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu as de l'argent? J'ai répondu oui au message d'Allah, de toutes sortes. J'ai toutes sortes de biens. Il m'a alors dit, sache alors que lorsqu'Allah te donne de l'argent ou des biens, il aime en voir les effets. Naam. Donc, ça c'est une règle générale sur la beauté. Allah Azza wa Jal aime voir les traces de ses faveurs sur son serviteur. Allah Azza wa Jal aime voir les traces de ses dons, de ses bienfaits sur ses serviteurs. فهو سبحانه يحب ظهور أثر أو أثر نعمته على عبده. Allah aime voir les effets ou voir apparaître les effets de ses bienfaits sur son serviteur. فإنه من الجمال الذي يحبه. Ceci fait partie de la beauté qu'Allah aime. وذلك من شكره على نعمه. Et cela fait même partie de la reconnaissance du serviteur envers Allah face à ses bienfaits. وَشُكْرُ جَمَالٌ بَاطِنٌ. La reconnaissance est une beauté intérieure. فَيُحِبُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرَى عَلَى عَبْدِهِ الْجَمَالَ الظَّاهِرَ بِالنِّعْمَةِ وَالْجَمَالَ الْبَاطِنَ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا. Allah Azza wa Jal aime voir sur son serviteur la beauté apparente, et ceci se manifeste par ses bienfaits. Et il aime également voir la beauté intérieure, et ceci se manifeste par la reconnaissance qu'on témoigne à Allah pour ses bienfaits. وَلِمَحَبَّتِ سُبْحَانَهُ لِلْجَمَالِ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ لِبَاسًا وَزِينَةً تَجَمَّلَ أو تجمل ظواهرهم وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم. الشيخ حفظه الله تعالى ندي. Et Allah aime tellement la beauté, ou de par le grand amour d'Allah Azza wa Jal pour la beauté, il a fait descendre pour ses serviteurs des vêtements. Il a accordé aux serviteurs des vêtements et des parures afin qu'ils embellissent leur apparence. Et il leur a également enjoint la piété. Il leur a ordonné la piété. Pourquoi cela, subhanallah? Pour qu'ils embellissent également leur intérieur. Pour qu'ils embellissent également leur intérieur. Et on trouve dans Sourate Al-A'raf, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasu taqwa dhalika khayr. Ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Voilà qui est meilleur. Donc, avec les vêtements, tu vas parer ton extérieur, tu vas t'embellir. Et avec la piété, tu vas parer ton intérieur. Tu vas également t'embellir. Ça, c'est dans ce bas monde. Concernant les gens du paradis, dans Surat al-Insan, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا فَجَمَّلَ وُجُوهَهُمْ بِالنَّظْرَةِ وَبَوَاطِنَهُمْ بِالسُّرُورِ وَأَبْدَانَهُمْ بِالْحَرِيرِ. Dans Surat al-Insan, Allah Azza wa Jal nous mentionne qu'il embellit les gens du paradis. Les gens du paradis. Tout comme ces derniers se sont embellis par la piété dans ce bas monde, avec le tawhid, avec la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le sadaqa, avec la sincérité, Allah azza wa jal les préserve yawm al-qiyama et il les embellit. Et si on remonte au verset 10 de Surat al-Insan, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttakina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alayhim dhilaluha وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et il leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près. Et ces fruits inclinés bien bas, à portée de main, et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes. Et des coupes, je ne sais pas comment traduire le mot suivant. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va embellir leur visage. Allah Azza wa Jal va embellir leur visage de par la splendeur, de par la beauté et la splendeur. Et il va embellir leur intérieur. Par quoi ? Par la joie. Comme c'est mentionné dans le verset de Surat al-Insan, voyez versets 11 et 12. Et il va embellir leur corps de par la soie, les vêtements de soie. Hada wa tamamul minnati ala ahli al-jannah wa a'zamu an-na'im ru'yatuhum ilahahum wa rabbahum wa mawlahum al-jamil al-jalil subhanahu fa innaha a'zamu ma yu'tawun wa ajalla wa ajallu ما ينالون هي قرة العيون وبهجة النفوس وسرور القلوب ونظرة الوجوه وأعظم الإكرام وفي صحيح مسلم رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل اللهم إن نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Tout ceci étant dit, la grâce, le don suprême touchera les gens du paradis lorsqu'ils seront au paradis. Lorsqu'ils seront au paradis, Allah Azza wa Jalla leur accordera le plus grand don, le plus grand bienfait. La faveur la plus complète les touchera. La plus grande félicité, la joie inimaginable, s'emparera de leur cœur. S'emparera de leur cœur. Quel est ce grand bienfait? Quel est le plus grand bienfait des gens du paradis lorsqu'ils seront au paradis? Le fait de pouvoir contempler le visage de leur Seigneur, de la divinité qu'ils ont adorée, de leur maître le plus beau, le plus sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand bienfait qu'Allah accordera et le plus grand cadeau qu'ils obtiendront. C'est le réjouissement des yeux et des cœurs. C'est le réjouissement des yeux et la splendeur des visages. L'honneur le plus sublime. Dans le recueil de l'imam muslim, Suhayb radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah, le Très-Haut, dira: voulez-vous que je vous donne davantage? Voulez-vous que je vous donne davantage? Voulez-vous que je vous ajoute une chose? Ils diront alors: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver du feu? C'est alors qu'il ôtera le voile, c'est-à-dire qu'il couvre son visage. Et rien ne leur sera accordé de plus aimé auprès d'eux que de contempler leur Seigneur. Il n'y aura pas un bienfait plus cher à eux que de contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal le plaisir de pouvoir contempler sa noble face, le désir ardent de le rencontrer, sans qu'aucun mal ne nous nuise, sans qu'aucune épreuve nous égare. La beauté, mes chers frères, on doit la comprendre sous son sens voulu dans le Coran et la Sunna. Et Cheikh Abdelrazzaq, dans Hafidahullahu Ta'ala, dans l'explication de ce nom d'Allah El-Jamil, nous a mentionné qu'Allah Azza wa Jal aime la beauté du serviteur dans sa langue avec la véracité. Il nous faut embellir nos langues. Allah aime la beauté dans toute chose. Il faut qu'on embellisse nos langues en faisant du zikr. Dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, autant de fois possible par jour. Dis astaghfirullah, demande pardon à Allah. Invite les gens à Allah après avoir appris, après avoir appliqué, propage ton savoir authentique, vérifié, émanant de sources sûres. Oud'u ilallah, invite les gens à Allah, invite-les à revenir vers Allah, invite-les à la prière, invite-les à la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam. Conseille les gens. Embellis ta langue en prononçant de belles paroles à tes parents. Embellis ta langue en plaisantant avec tes parents, ton épouse et tes enfants. Embellis ta langue en faisant entrer la joie dans le cœur du croyant. Embellis ta langue avec la lecture de la plus belle des paroles, El Qur'an ul-Karim. Embellis ton cœur avec la sincérité, avec l'ikhlas, en recherchant à travers tes œuvres l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa noble face. Embellis ton cœur en le nettoyant de toute jalousie, de toute envie, de toute haine envers ton frère, envers ta sœur. Concrétise la fraternité, embellis ton cœur en concrétisant dans ton cœur cette chose-là. Alhamdulillah. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit: la yuhibbu ahadukum aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Ibn Rajab nous explique, et d'autres rahimahumullah nous disent, que ceci provient de la pureté du cœur à l'égard des autres. Tu ne dois pas avoir la haine envers ton frère fillah, alors qu'il adore le même Seigneur que toi, alors qu'il a le même prophète que toi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il suit la sunna comme toi, alors que ses références sont les savants de Ahl sunna comme toi, alors qu'il revient en Coran et à la sunna à la compréhension des plus prédécesseurs comme toi, alors qu'il tente d'obtenir l'agrément d'Allah comme toi, alors qu'il se tourne vers la Qibla comme toi. Pourquoi est-ce que ton cœur est sale à son égard? Il y a des maladies dans le cœur. Allah aime la beauté. Il aime voir dans le cœur de son serviteur. Al-hubbu fillah. Il n'aime pas voir la jalousie, la haine, l'inimitié. Donc on doit purifier ces cœurs-là. Ceci provient de la maladie. Les dissensions que tu trouves entre tes frères fillah proviennent de maladies. Certains le reconnaissent et certains s'enorgueillissent, mais c'est un fait, c'est une réalité. Embellis tes membres avec la prière, avec la prosternation, avec la multiplication des pas vers la mosquée, avec la visite de tes parents, de tes proches parents, avec la visite de ton frère pour Allah. Tu le visites que pour Allah, pas parce que tu as un besoin, pas parce que tu veux une chose qui se trouve auprès de lui, pas pour qu'il intercède en ta faveur, non, juste pour Allah, tu vas le visiter, tu t'assois avec lui pour passer un moment fraternel, parce que tu l'as aimé pour Allah, parce que tu l'as aimé pour Allah, tu l'aimes pour Allah, tu souhaites son bien pour Allah, tu le visites pour Allah, tu t'assois avec lui pour Allah. Embellis tes membres en visitant ton frère pour Allah Azza wa Jal. Ne salis pas tes membres en les utilisant pour désobéir Allah, avec le shirk, avec le vol, en opprimant les gens, en frappant les gens, en faisant couler le sang d'innocents, en opprimant ton épouse, en battant ton épouse et tes enfants, ou en les virant du foyer comme certains, subhanallah, font, wal'iyadhu billah, en étant injuste, en déchargeant sa colère et ses soucis personnels sur sa faible épouse et ses enfants innocents. Est-ce que cette chose est belle chez Allah? Est-ce que cette chose est belle dans le yani chez les anges d'Allah? Est-ce qu'elle est belle chez les gens tout simplement doués de raison? C'est une chose qabiha, moche et vile. On doit s'en défaire et s'en purifier pour atteindre la vraie beauté. Embellis ton corps. Porte de beaux vêtements, de belles chaussures, de belles sandales. Prends ce qui est beau. Si Allah t'a donné les moyens, prends ce qui est beau, mais fais attention à l'orgueil. Fais attention à te sentir au-dessus des autres. Fais attention à mépriser les autres parce qu'ils n'ont pas ce qu'Allah t'a mis dans ta main. L'argent, c'est l'argent d'Allah. Il l'a mis dans ta main pour voir comment tu agiras. Embellis ton corps en donnant aux autres de ce qu'Allah t'a facilité. En donnant pour Allah subhanahu wa ta'ala, en étant bienfaiteur pour te rapprocher d'Allah. Lorsqu'Allah te donne un bien, il aime en voir les effets. La femme, elle s'embellit pour son époux. La femme s'embellit pour son époux, comme le faisait notre mère Aïcha radiallahu anha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah est beau, il aime la beauté. Allah est beau, il aime la beauté. Dans un hadith, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu autour des doigts de Aïcha quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce que cela? Elle lui a dit, ya Rasulallah, je me suis paré pour m'embellir pour toi. Subhanallah. Elle a fait comme une bague pour s'embellir pour le prophète alayhi salatu wassalam. Elle s'embellissait également de par ses actions, elle recherchait l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il s'est éloigné de ses épouses durant un mois et a pris l'engagement de faire cela, après 29 jours, il est revenu auprès d'elle. Elle lui a dit, ya Rasulallah, ça ne fait pas 30 jours. Et il lui a dit, ce mois-là est incomplet. Elle lui a dit, j'ai compté ces nuits une par une. J'ai compté ces jours un par un. Et elle a embelli sa langue. Allah Ebou, il aime la beauté. La subtilité que renferme cette parole, pourrait éteindre un volcan, pourrait éteindre les problèmes que tu trouves dans bon nombre de maisons, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, ou dans certaines maisons. Alhamdulillah. La beauté de la parole de la femme éteint les problèmes dans le foyer conjugal. L'humilité de la femme éteint les problèmes. Donc elle s'embellit pour son époux, physiquement. Elle porte les vêtements qu'il aime. Elle remplit son regard. Mais aussi de par ses belles paroles. De par sa tenue, c'est-à-dire son comportement. De par son comportement. Et si ce conseil est adressé aux femmes, il est également adressé aux hommes. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disait, j'aime m'embellir pour mon épouse, tout comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Et je ne lui demande pas tous mes droits, étant incapable de m'acquitter, ou bien car ça m'est difficile de m'acquitter de tous les siens ou mes devoirs envers elle. Donc il faut qu'il y ait cette beauté dans le foyer chez les musulmans. La beauté dans la croyance, la beauté dans le comportement, la beauté l'un envers l'autre, et ainsi de suite. Les enfants s'embellissent pour les parents, avec les paroles mielleuses, avec les cadeaux, et ainsi de suite. Et ici, il y a une parenthèse ou un point primordial à traiter lorsqu'il s'agit de la beauté. Nous vivons à une époque où la beauté a été dénaturée par la société de consommation et ceux qui cherchent à vendre et à faire du profit. Quitte à perdre la religion, quitte à perdre l'agrément d'Allah. Ainsi, on a vendu aux gens et aux jeunes, aux femmes, une beauté qui en réalité n'en est pas une. Elle est détestée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est laide, méprisée, rejetée, non acceptée chez Allah. Ça n'est pas une beauté. Elle contredit la religion d'Allah azza wa jal. Certaines de ces beautés présumées sont même des grands péchés. Certaines femmes cherchent à s'embellir, mais elles se trompent de chemin. Elles s'épilent les sourcils, par exemple. Certains hommes cherchent à s'embellir, mais ils se trompent de chemin. Ils se font des tatouages, par exemple. Ils se rasent la barbe. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a maudit celle qui épile et se fait épiler les sourcils. Celle qui se met des mèches ou des rajouts et celle qui les pose. Certaines se font des nattes avec leurs cheveux, ceci est permis. Mais certaines achètent des mèches ou des rajouts, je ne sais comment dire en français, et se font allonger en apparence la chevelure. Donc elles se font, je ne sais pas si ça s'appelle un tissage ou autre, elles paraissent avec des cheveux plus longs que ce qui est la réalité. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit cette femme-là et a maudit celle qui la coiffe. C'est haram. Les faux cheveux, les perruques, les rajouts, c'est haram et c'est un grand péché. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Ça n'est pas la beauté aimée chez Allah. Elle est détestée chez Allah, elle est détestée par le prophète alayhi salatu wasalam. Elle doit être détestée chez les croyants et les croyantes. Celles qui se font écarter les dents, c'était un signe de beauté. Celles qui l'ont naturellement, ça, c'est un fait. Mais celles qui le font par opération autre, c'est interdit et c'est un péché. Celles qui se font épiler les sourcils, celles qui se font écarter les dents, celles qui se font tatouer, les rajouts aux cheveux, tout cela est haram. Nous sommes à une époque où certaines formes d'embellissement, si on nous l'avait mentionné jadis, nous n'aurions jamais pu croire que cela deviendra un modèle de beauté. À l'image des jeans que les gens achètent, non troués, ils les trouent eux-mêmes, ils les déchirent eux-mêmes, subhanallah. Et pour eux, ça, c'est la mode et c'est la beauté. Craignez Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme le fait pour l'homme de laisser descendre le vêtement sous les chevilles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que celui qui laisse descendre son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas, yawm al-qiyam. Dans l'autre hadith, celui qui laisse descendre son vêtement sous les chevilles, ou tout ce qui descend sous les chevilles, c'est au feu. C'est au feu. Naam. Donc la personne, elle doit étudier, elle doit regarder ce qu'est la beauté, elle ne doit pas succomber à la société de consommation sans avoir de discernement. On ne t'interdit pas de t'embellir, d'acheter ce qui te plaît ou plaît à ton époux et ainsi de suite. Mais il ne faut pas transgresser et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et désobéir à Allah azza wa jal. Aussi ceux qui se rasent une partie de la tête et laissent une autre partie. Le prophète m'a interdit cela. Le prophète m'a interdit cela. Tu vois des enfants avec des coupes de cheveux. On n'aurait pas pu, nous, entrer chez nous, ni même rentrer dans le bâtiment à l'époque. Nos parents nous auraient rasé la tête ou ne nous auraient pas acceptés chez nous. Mais malheureusement, la faiblesse des jeunes qui ont des enfants de nos jours laisse leurs enfants faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Et ceci n'est pas un amour. Et ceci n'est pas un vrai amour pour nos enfants. Et n'est pas la beauté. N'est pas la beauté. Rase-lui les cheveux et ne lui permet plus de faire cette coupe de cheveux qui est prise de certains footballeurs égarés ou de certains acteurs égarés. Et j'en passe. Wallahu al-musta'an. Certains prennent pour beauté le fait de se raser la barbe. Et lorsque l'homme commence à apprendre le hadith, il voit que le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe, il veut faire cela. Et certaines femmes, ne connaissant pas la réalité de la beauté, tente de décourager et lui dit « Ah, ça n'est pas beau » ou ce genre de paroles. Ou certains parents disent « Ah, c'est trop, il faut raser. » Non, ça n'est pas trop. Ça n'est pas trop. Étudie ce qu'est la beauté. La beauté de l'homme n'est pas dans le fait de se raser. La beauté de l'homme n'est pas dans le fait de se raser. Et pour toi, mon cher frère, pour toi, chère sœur, la fatwa de l'allama Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullahu ta'ala, dans le sharh de Sunan Abi Daoud. Il fut interrogé. Ba'adhu al-nas yastadilluna bi qawli sallallahu alayhi wa sallam inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal ala jawazi halqi al-lihya wa yakulun inna haliqa al-lihya ajmalu min alladhi yu'fiha. Cette question fut adressée à Al-Allama Abdul Muhsin Abbad, hafidahullahu ta'ala. Certaines personnes utilisent le hadith, certes Allah est beau, il aime la beauté, pour affirmer la permission de se raser la barbe. Et ils disent que de se raser la barbe est plus beau que de la laisser pousser. Le cheikh a répondu, Al-Jamal al-Nisawi lin-Nisa. Il a dit la beauté féminine est pour les femmes. C'est-à-dire qu'en se rasant, il y a une ressemblance avec la joue de la femme. Il y a une ressemblance avec les femmes. Donc la beauté féminine est pour les femmes, oui. فَإِذَا كَانَ بِهَذَا الْاَعْتِبَارَ فَنَعَمْ. Si vous parlez de ce point de vue-là, donc vous parlez des femmes, na'am, oui, alors oui. Yani la femme qui n'a pas de poils sur la joue ou la moustache, c'est plus beau qu'une femme qui a. Oui, sans aucun doute. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui tentent de ressembler aux hommes. Wa ajmal wajhin wajhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wajhu nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et le visage le plus beau, le plus splendide est le visage de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana dha lihyatin kathitha ou katha. Et il avait une barbe fournie. Il avait une barbe fournie, que ce soit au menton, que ce soit aux joues, salawatullahi wa salamu wa barakatuh alayhi. Wa kana ashabu yusalluna wara'ahu fa yastadilluna ala qira'ati fi salati sirriya bi ittirab lihyati. Écoutez bien, ses compagnons qui priaient derrière lui reconnaissaient qu'il lisait dans les prières à voix basse parce que sa barbe bougeait lorsqu'il récitait. فَهَذَا هُوَ جَمَالُ الرِّجَالِ. Ceci est donc la beauté des hommes. Quant au fait de ne pas avoir de poils, ça c'est une beauté féminine. Ça c'est une beauté féminine. Voici pour la parole de Cheikh Abdel Mohsin Abed, hafidahullahu ta'ala. Donc on fait attention à cela. Ne pas tomber dans la transgression. Ne pas tomber dans la transgression. Certaines veulent s'embellir pour le mari au point de désobéir Allah Azza wa Jal. Au point de désobéir Allah Azza wa Jal. Ou des hommes portent par exemple des montres, plutôt des gourmettes, des chaînettes. Subhanallah, pourquoi pas des bracelets de cheville? C'est pour les femmes. Allah Azza wa Jal a décrit la femme comme étant celle qui s'embellit, étant celle qui grandit dans la parure. Naam, une ashawfil hilya. Quant à l'homme, lui, de par sa virilité, il ne porte pas de gourmettes, de chaînes, de chaînettes. Naam, Allahul Musta'an. Certains hommes maintenant se maquillent. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu peux t'embellir, tu coiffes ta barbe, tu mets de. Tu te peignes. Naam, tu mets de l'huile sur tes cheveux, sur ta barbe, ou du gel, ou autre. Tu mets de beaux vêtements, de belles chaussures, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas que l'homme soit efféminé. Il ne faut pas que l'homme soit efféminé. Naam, dans une histoire qu'on mentionne au sujet de Abu Tayyib al-Mutanabbi, le poète, il a vu un homme de loin et lorsqu'ils se sont croisés, l'homme a voulu lui dire une parole dure. Il lui a dit, « Ah, de loin, j'ai cru que tu étais une femme. » Et lui a répondu, « Ah, de près, j'ai cru que tu étais un homme. » Naam. Ou une parole semblable. Donc de tout temps, c'est blâmable le fait de que l'homme soit efféminé. Que soit dans son timbre de voix, que soit dans sa démarche, que soit dans sa gestuelle. Mais certaines choses ne sont pas vraiment volontaires. Mais quant à la tenue, subhanallah, yani ça c'est volontaire. Que recherchent ces gens-là? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Un autre point à mentionner ici, c'est que il faut la beauté dans les foyers. Embellissez vos foyers avec la vraie beauté. Au-delà des tenues, au-delà des bijoux, au-delà de ces choses-là, il faut que la femme embellisse son foyer par la piété, par la lecture du Coran, par l'éducation de ses enfants sur le Coran, sur la sunna, sur les bonnes manières. Toute maison où on fait entrer le Coran, il y aura la baraka. Il y aura le bien, il y aura l'amour, la sérénité, le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. La femme doit s'embellir pour son époux, de par son caractère, de par sa piété. L'homme doit s'embellir pour son épouse, de par sa tenue, de par son caractère, de par sa piété. Les enfants doivent s'embellir pour les parents. Ceci étant dit, les savants disent que parmi les causes de l'épanouissement de la poitrine et de la joie, il y a le fait de contempler de beaux paysages et de regarder de belles choses, de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors celui qui se met dans cette science-là. Il étudie les effets de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Car toute belle chose que tu vois dans ce bas monde n'est qu'un effet infime en réalité de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étudie ce nom d'Allah El-Jamil et médite sur chaque chose dans ta vie. Et tu atteindras l'épanouissement de la poitrine, le délice de la foi. Tu goûteras au goût, à l'adhatu wa halawatu l'iman. Et ça va même arriver à un niveau où ça va te distraire des plaisirs et de la beauté des autres choses. Et de la beauté des autres choses. Ce sujet est très vaste. Et par peur d'être trop long, si ça n'est pas déjà fait, je ne cite pas tout. Je ne cite pas tout. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné le hadith, certes Allah est beau, il aime la beauté, nous dit que Allah est beau de pas dans son essence, dans ses actions, dans ses attributs, et tout ce qui provient d'Allah est beau. Il n'y a rien de moche dans ce qui provient d'Allah Azza wa Jal. Et la raison saine des créatures le trouve pareillement, yani le trouve également beau. Et pour rebondir sur cela, même la personne qui a un handicap, sache qu'elle est belle. Même la personne qui a un défaut physique, sache qu'elle est belle. Et si toi, elle ne t'apparaît pas de sa beauté, sache qu'Allah Azza wa Jal, lui, voit cette beauté-là. Lui voit cette beauté-là. Et Allah Azza wa Jal aime la beauté. Et Allah Azza wa Jal sait ce qu'est la vraie beauté. Et ainsi, celui qui a un handicap, il doit savoir qu'il est beau et qu'Allah Azza wa Jal l'a créé beau. Celui qui a un défaut physique, il doit savoir qu'il est beau et qu'Allah Azza wa Jal l'a créé beau. Même si l'œil du serviteur, même si les paramètres et les facteurs entre nous sont différents. Ainsi, il y aura une consolation pour lui. Et dans l'histoire du compagnon d'Julaybib, radiallahu anhu, il est mentionné dans sa biographie qu'il n'était pas considéré comme une personne belle. Et que dans nos facteurs à nous, c'était le contraire. Radiallahu anhu. Mais chez Allah, il était beau. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti voir une famille chez les Ansar ou autres. Il a demandé la main de leur fils. Ils se sont réjouis. Il a dit, ça n'est pas pour moi. C'est pour mon compagnon Julaybib. Ils ont dit, qui Julaybib? Et Julaybib était... Yani, ça n'était pas pour eux un bon parti de grandes tribus, richesse, beauté et classe sociale et ainsi de suite. Alors ils ont dit, on va consulter. L'homme va consulter l'épouse, l'épouse consultera la fille et ainsi de suite. Alors qu'ils étaient en train de discuter, la fille a dit, oh mes chers parents, vous discutez sur ce qu'a voulu le prophète alayhi salatu wassalam pour moi. S'il a voulu cette chose pour moi, je la veux pour moi-même. Comment est-ce que vous pouvez discuter sur cela? Alors ils l'ont accepté. Cette femme-là a vu la beauté de Julaybib. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a vu la beauté de Julaybib. Parce qu'Allah Azza wa Jal a vu Julaybib comme étant beau. Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de plus beau. À partir du moment où tu es pieux, tu as la science utile des actions pieuses, sache que tu es beau. Quel que soit le rejet que tu peux avoir chez certaines personnes de la société, sache que tu es belle si tu as la piété, si tu as la taqwa. Tu as cette beauté. Sache que tu es beau. Si tu as la piété, si tu as la taqwa, sache que tu as cette beauté. Et c'est ce qui doit primer chez toi. C'est ce que tu dois rechercher en premier lieu. Et bien sûr, celle-ci n'occulte pas l'autre et n'empêche pas de développer l'autre. Mais la personne ne doit pas être triste au plus haut point et s'éloigner des créatures parce qu'elle n'a pas la même beauté physique qu'on a donné aux autres pour les éprouver. Cette femme-là a su ce qu'était la réalité de la beauté. Elle a accepté le mariage avec Julaybib. Et combien parmi les femmes pieuses acceptent l'homme qui n'est pas au même niveau qu'eux dans la beauté, mais elle entend qu'il est sur la sunna Elle entend qu'il connaît du Coran, qu'il aime la prière à la mosquée, qu'il est bon envers ses parents, qu'il est doux, qu'il est pieux. Alors elle accepte le mariage. Et vice versa. Qu'Allah Azza wa Jal élève ces gens-là qui ont connu la vraie beauté. Pas comme nous qui avons été aveuglés par ce bas monde et cette dunya et avons succombé à ces tentations. Ibn Uthaymin poursuit et dit « Amma al-jamalu al-khalqi » Quant à la beauté, donc après avoir parlé des différents types de beauté, Ibn Uthaymin nous dit « Quant à la beauté physique qu'Allah a accordée à ce qu'il a voulu parmi ses serviteurs, ceci n'appartient qu'à Allah. » Naam, ça n'est, on ne peut pas l'acquérir de nous-mêmes. La personne ne va pas décider de sa taille, de la couleur de ses yeux, des traits du visage. Naam, mais on peut faire des efforts mada pour le reste. On peut faire des efforts pour le reste. La meilleure parure, c'est la science utile. Le conseil que je m'adresse à moi-même ainsi qu'à vous-même, embellissez-vous avec la science. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont tellement aimé la science et ont pris une part telle de la science que ça les a amenés à s'éloigner des plus belles choses de ce bas-monde. Des plus belles choses de ce bas-monde. Certains ont retardé le mariage jusqu'à la quarantaine, comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, parce qu'il était dans le hadith, dans la science. L'un d'eux, il me semble que c'est Ibn Rajab rahimahullah ta'ala al-Hanbali, recherchait la science même la nuit. Son épouse s'embellit et elle s'avance vers lui. Il est dans ses livres en train d'étudier. Il lève le regard, il pose son regard sur elle. Il rebaisse la tête et il poursuit ses études et la recherche de la science. Alors elle se met en colère et dit « Par Allah, ses livres et sa science sont plus lourds sur moi que trois coépouses. » C'est qu'elle n'arrive pas à concurrencer la beauté de la science. Il y a également l'histoire de Sahnoun ou bien d'Ibn Sahnoun, rahimahullah ta'ala. Il étudie la nuit, il recherche la science. Alors on lui apporte sa nourriture. La femme vient et lui dit « Tiens, le manger est prêt. » Il lui dit plus tard. Elle revient maintes et maintes fois et il poursuit ses études. À un point tel que par pitié pour lui ou pour amour pour lui, elle commence à le faire manger. Elle le fait manger. Elle prend la nourriture, lui met dans sa bouche. Il avale. Elle prend la nourriture, elle met dans sa bouche, il avale tout en maintenant son regard sur le livre, sur l'étude et ainsi de suite. À la fin, quand il finit, il l'appelle, il lui dit « Peux-tu apporter le repas ?» Elle lui dit « Mais je t'ai déjà apporté le repas, je t'ai fait manger. » Il lui dit « Je n'ai même pas remarqué. » Allahu Akbar, qui peut atteindre ce niveau-là, si ce n'est celui qui a connu la réalité de la beauté de la science. Embellissez-vous de par la prière. Embellissez-vous de par l'apprentissage du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. Qu'Allah embellisse le visage de celui qui mémorisera ma parole. Puis il la transmettra comme il l'a entendu. Ainsi, une des causes d'embellissement du visage, c'est l'étude du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vois, certains parmi les muhaddithoun ont un âge très avancé, mais ils ont un visage très beau. Ils ont un visage très beau parmi les gens de science. À l'inverse, tu vois certains parmi les gens des péchés. La femme a la trentaine, mais elle en fait bien plus. L'homme a la trentaine, mais il en fait bien plus. À cause des péchés, la noirceur des péchés. Donc la science, il n'y a rien de plus beau. La prière, il n'y a rien de plus beau pour s'embellir. Et Allah est plus en droit à ce qu'on s'embellisse pour lui. Certains parmi les pieux prédécesseurs avaient des vêtements très chers qu'ils ne prenaient que pour faire Qiyamul Layl. Ou qu'ils ne mettaient que dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Subhanallah. Certains se lavaient avant l'étude du hadith ou avant la mention du hadith. Certains s'embellissaient pour donner le hadith. Embellis-toi de par le dua, de par la mention d'Allah, de par le dua en pleine nuit, de par le dua en sujoud. Le prophète alayhi salat wa salam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et il prenait un grand plaisir à s'embellir par le dua. Il invoquait Allah azza wa jal longuement pendant que les autres dormaient. Embellis-toi avec la science, embellis-toi avec la piété, avec la mise en pratique de la science. Certains n'ont pas reçu la beauté physique. Wallah, rien ne les embellira plus que la science utile des actions pieuses. Et je vous mentionne ici l'histoire de Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, rahimahullah. Je répète, Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, rahimahullah. Cet homme qui a fini juge à Mecca pendant 20 ans, cet homme qui, lorsque les gens venaient devant lui, ils en tremblaient de peur. C'est un homme qui est né avec une malformation au cou. Il est né et sa tête était sur ses épaules, comme s'il n'avait pas de cou. Alors sa mère l'a pris un jour et lui a donné une recommandation en or. Et lui a dit, « Oh mon fils, si tu te mélanges avec les enfants de ton âge, ils sont certes cruels et ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Tu ne pourras pas être comme les autres enfants. Alors recherche la science. فَإِنَّ اللَّهَ يُكَمِّلُ بِالْعِلْمِ يُتَمِّمُ فَإِنَّ اللَّهَ يُتَمِّمْ بِهِ كُلَّ نَقِيصَ. Car certes, Allah complète avec la science toute chose imparfaite. وَيُزَيِّنُ بِهِ. Et il embellit par la science كُلَّ خَسِيصَ. Tout ce qui est vil et méprisable. Allahu Akbar. Il a étudié la science. C'est devenu un grand savant et il a fini juge pendant 20 ans à la Mecque. Et un jour, il faisait dua en disant « Allahumma a'tiq raqabati minan nar »« Oh Allah, affranchis mon cou » comme dit l'expression, « de l'enfer ». Une femme est passée, elle lui a dit « Mais est-ce que toi tu as un cou déjà ?» Regardez, les enfants, vous savez comment ils sont méchants entre eux, ils se moquent, ils se charrient les uns les autres. Ben subhanallah, cet homme-là, on ne rigolait plus devant lui, mais on avait peur, c'était le juge, rahimahullahu ta'ala. Avec la science, Allah Azza wa Jal élève certains et en rabaisse d'autres. Il y a aussi l'histoire de l'A'mash, rahimahullah, qui avait une maladie aux yeux. Il avait une maladie aux yeux, c'est devenu le grand imam. Celui vers lequel on convergeait, on venait chercher la science. On a mentionné l'histoire de Julaybib, rahimahullahu ta'ala. La femme pieuse, qui en plus a la beauté, Nourun ala nour, ceci est un bien, par-dessus un bien. Mais celle qui a la beauté physique, mais la noirceur dans le cœur, la désobéissance d'Allah et de son messager, elle ne craint pas Allah, elle ne pense qu'à son apparence et à la montrer à l'extérieur. Elle ne pense qu'à courir après les richesses et les parures de ce bas monde en oubliant son au-delà, en désobéissant Allah de jour comme de nuit, en fréquentant les âmes en dehors du mariage. Celle-ci n'est pas belle. Celle-ci n'a pas la beauté qu'Allah Azza wa Jal aime. Celle-ci n'est pas la femme que tu dois rechercher pour le mariage. Par la suite, tu viendras pleurer à l'imam et tu mentionneras tes problèmes et tu diras qu'elle est sortie et qu'elle est partie dans tel endroit et tu diras qu'elle a été vue en présence d'hommes et tu diras qu'elle s'habille de telle et telle façon vulgaire et tu diras qu'elle insulte ses parents et toi avec. Non, choisis la femme pieuse qui te plaît. Mais ne choisis pas la femme qui te plaît si elle n'a pas la piété. Sinon, elle sera un cauchemar vivant pour toi. Puisse Allah t'en préserver. Et il y a une grande règle à savoir dans ce sujet. Il y a une grande règle à savoir dans ce sujet. C'est que si... Une grande règle qu'on mentionne dans ce sujet est qu'il y a plusieurs choses qui vont te plaire. Il y a plusieurs choses qui vont te plaire. Et des fois, tu devras faire un choix. Celui qui est doué d'intelligence, à qui Allah a voulu le bien, il va chercher la chose qui est la plus belle des deux et qu'il a plus, le plus aimé des deux. et qui sera le plus durable et le plus profitable. Et il délaissera la chose la moins belle, la moins durable et qui lui amènera le moins de profit. Ben il n'y a pas plus beau qu'Allah. Il n'y a pas plus beau qu'Allah. Il n'y a pas plus vivant qu'Allah. Allah hayyun la yamut, c'est le vivant qui ne meurt pas. Et il n'y a pas plus bénéfique pour toi qu'Allah. C'est celui qui t'a créé, celui qui te donne tout, celui qui te protège, celui qui va te ressusciter. Inch'Allah, il te donnera le paradis. Donc ne fais jamais devancer une chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux la beauté parfaite et complète, crains Allah dans ce bas monde pour entrer au paradis. Et là-bas, il y aura les choses les plus belles. Allah Azza wa Jal te dit, le prophète alayhi salatu wa salam te dit, il y a au paradis, ma la aynun ra'at, une partie du paradis, des choses que jamais des yeux n'ont vues. Wa la udhunun sami'at, jamais des oreilles ne les ont entendues. Wa la khatara ala qalb bashar, et jamais un humain n'a pu l'imaginer. Allahu Akbar, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Le sol et le safran. Les briques des constructions ou des bâtisses, des maisons sont d'or et d'argent. D'or et d'argent. Les arbres ont des troncs d'arbres. Les vêtements, tels les feuilles aux branches des arbres. Des vêtements de brocart. Des couronnes. Tu as au paradis tout ce que tu aimes et tout ce que tu veux. Le prophète alayhi salatu wa salam nous parle de la beauté des gens du paradis. Ô toi qui cours après la beauté. Ô toi l'homme et toi la femme. Écoute ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Hurayra et Abu Sa'id radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم. Quand les gens du paradis entreront au paradis, on leur dira: vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Vous avez à être en bonne santé et ne plus jamais être malade. Vous avez à être jeune et ne plus jamais vieillir. Vous avez à vivre dans le plaisir et ne plus jamais être triste ou avoir de soucis. Ça, c'est le paradis. Pas besoin de chirurgie esthétique et toutes ces choses-là. Rentre au paradis, tu auras la perfection. Et pour finir ce cours, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a certes dans le paradis un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. Alors va souffler un vent qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements et qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Alors ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et plus splendides et leurs épouses vont leur dire: par Allah, après nous, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Et eux aussi vont dire: et vous aussi, par Allah, vous avez augmenté en beauté et en splendeur. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la vraie beauté intérieure et extérieure et de nous la parfaire dans son paradis. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.